Allez Romain, mets le feu là-dedans. Fais-toi plaisir, vas-y. Les aventures de grosse mamie à la foire fouille, jingle. Tous les dimanches on se retrouve tous en famille. Tata, tonton, la grosse famille. Pour l'apéro, les frites et le poulet rôti. Le petit Dijon, la glace vanille. Puis vont sortir le caniche à tonton. Avant qu'il pisse partout dans le salon. Donc on s'en passe tous dans le monospace. C'est pas facile, mamie prend toute la place. Ouais, pousse-toi un peu, mamie, là. Oh, t'es gros, dis donc, mamie. Comme grosse mamie a des problèmes pour digérer, on est tous contents d'arriver sur le parking de la grande zone commerciale pour une promenade dominicale. Puis on attend devant le magasin que le caniche ait fini ses besoins. À peine entré, on se retrouve coincé. Grosse mamie ne passe pas dans le tourniquet. Jingle. Excusez-nous, hein. Désolé, c'était pour Romain. On lui fait plaisir.